Travis. Try this riff. I don't remember all the bass line of Enigma. It's simple bass line. Salut. Bonjour mon frère, bienvenue dans cette séquence. Davis. Volume guitar. Okay, just last song. Come on. Thank you. Il est content, Benjamin, il est content. Il est content. I am happy. Because I like Depeche Mode. Merci. Et bonne année. C'est ma période. Merde, il est parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Reviens ! Where is it, bro ? Thank you. ce Fever. Thank you. plus.